years ago, a lady was here with her two children or one. Yes, you know, this lady, this girl from England that I don't even know her name again. She came, she's from, she goes to a Redeemed Church in Nigeria. They are full of love. She sat down and I was preaching something like this. And she now said, she stood up and said, look at, she wants to tell me that, like her daughter now, her daughter was sitting close to her. She said, if my daughter do good, I love her. If you do bad, I will hate her. So also, I believe that that is how God is to you. I said, you better don't believe that way. Because God will never love you. He will not even die for you. Because you are never good. Und, you will never be safe. Meine Tochter hatte mal eine Freundin und diese Freundin, sie war Teil der einer Redeem-Gemeinde. Die Redeem-Gemeinde ist eine Gemeinde in Nigeria, die auf dem Gesetz basiert. Und die waren bei uns mal zu Besuch an einem Abend und ich habe mit ihnen über die Gnade von Jesus Christus gesprochen, habe ihnen versucht zu erklären, wer Jesus Christus ist. Und sie hat dann mir erklärt, dass sie glaubt, dass der Herr sie so liebt, wie sie ihre Tochter liebt. Dass wenn ihre Tochter Gutes tut, sich gut verhält, dann liebt sie sie und dann schätzt sie sie. Aber wenn ihre Tochter Schlechtes tut, dann wird sie natürlich wütend sein auf die Tochter und die Tochter nicht mögen und sie nicht schätzen und sie nicht lieben. Und so glaubt sie es auch Gott zu ihr. Aber dann habe ich ihr auch gesagt, ey, du musst diese Ansichtsweise von Gott musst du verweigern. Weil das ist eine Lüge, das ist die Lüge des Satans, das ist Gesetz, was du da glaubst, das ist nicht die Wahrheit. Vielleicht liebst du so eine Tochter so, aber der Herr liebt seine Kinder nicht so. Ja, tout comme il y a un exemple, ma fille avait une amie à elle et j'ai parlé avec la mère. La mère venait dans une église Redeemed Church, c'est une église qui est vraiment dans la loi. Et j'ai essayé d'expliquer à la mère la grâce de Dieu et la mère m'a dit que elle pense que l'amour de Dieu, c'est comme l'amour qu'elle a vers sa fille. Elle dit que si ma fille fait quelque chose de bien, je veux l'aimer. Mais si elle fait quelque chose de mal, je veux pas l'aimer, je vais la détester. Et c'est ce qu'elle, elle pense de Dieu. Elle pense que si elle fait quelque chose de bien, Dieu va l'aimer. Et si elle fait quelque chose de mal, Dieu va la détester. Et moi, je lui ai dit que j'espère que tu ne crois pas vraiment en ça parce que tu seras jamais capable de faire quelque chose de bien pour Dieu. You know, Romans 5 said when we were in sin, he died for us. Romans 5 steht, dass als wir noch Sünder waren, Romans 5, ist er für uns gestorben. Please, Romans 5, let it be your homework. Okay. Lest euch bitte Romans 5 als Hausaufgabe. Romans 5 nous dit que Jésus-Christ, Dieu nous a déjà aimés quand on était encore des pécheurs. Donc, Romans, c'est vraiment important qu'on puisse le lire aussi à la maison. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In fact, John 4, verse 18. He said, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. If you are afraid of Christ, you know, even in mistake, if you are afraid of him, it means you don't even know how much he loves you. Wenn du Fehler machst und Angst hast vor Jesus Christus, dann hast du nicht verstanden, wie sehr er dich liebt. Si par exemple tu fais un péché ou bien tu fais une faute, quelque chose qui n'est pas bien et tu as peur de Jésus-Christ, là tu connais pas Dieu, tu lui connais pas parce que on sait que il nous a même aimé quand on était encore des pécheurs. Man is always in sin. Der Mensch ist immer in Sünde. L'être humain est toujours dans le péché. You know, for man is no man compares him to sin. Und der Mensch vergleicht Sünde mit Sünde. Kleine Sünden, große Sünden. The Lord, sin is sin. L'être humain compare toujours les péchés. Il y a les grands péchés, il y a des petits péchés. Mais pour l'Éternel, tous les péchés sont égaux. You know, the book of James. James said, if you violate one, you violate all. Aber für den Herrn ist Sünde the Sünde. Book of James. Und in Jakobus lesen wir, dass wenn wir in einem schuldig sind, sind wir in allen schuldig. Oui, dans Jean nous dit, Jacques nous dit aussi que dans le livre de Jacques, il est écrit aussi que quand tu pêches dans un, tu pêches dans tous les autres péchés aussi. Donc tu, oui. Praise the Lord. Amen. If you violate one, you violate all. Wenn wir eine Sache missachten, haben wir alles missachtet. Donc si tu violes un péché, tu as violé tous les autres péchés. And that's why you need Christ. Deswegen brauchen wir Christus. You cannot save yourself. Wir können uns selbst nicht retten. Et c'est pour cela que tu as besoin de Jésus-Christ, parce que tu n'es pas capable de te sauver toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Back to Hebrews 5, Hebräer 4, 16. On va lire Hébreu 4, Let 16. Us therefore come boldly unto the throne of grace. Come boldly unto his grace. Lasst uns mutig zu seinem Thron kommen. Amen. The throne of Christ. Zum Thron der Gnade. Hébreu 4, 16 nous dit que approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Praise Là, the Dieu Lord. Nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Knowing Christ is our salvation. Christus zu erkennen ist unsere Rettung. Notre salut c'est de connaître Jésus-Christ. And knowing him is living in the spirit and walking in the spirit. Und ihn zu kennen heißt im Geist zu wandeln und im Geist zu leben. Et de connaître l'Éternel c'est de vivre dans la vérité et aussi de marcher dans l'esprit. You know, Christ's world is not a natural world. Die Welt von Christus ist keine natürliche Welt. Le monde de Jésus-Christ n'est pas un monde naturel. And that's why once you come to Christ, you are of another world. No longer here on earth. That's why people cannot even understand you. And you are surprised that they cannot understand you. You are not in their world. Aber dennoch sind wir verwundert, wenn sie uns nicht verstehen. Aber natürlich können sie uns nicht verstehen, weil wir nicht zu ihrer Welt gehören. C'est pour cela que dès qu'on appartient à l'Éternel, on vient d'un autre monde. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas être choqué ou bien étonné quand eux, ils ne sont pas capables à nous comprendre. Remember the word of Christ. He said, you are in this world, but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Rappelle-toi de la parole de Dieu. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Two worlds on earth. Zwei Welten gibt es auf Erden. Christ's world and the natural world. Die Welt von Christus und die natürliche Welt. Il y a deux mondes dans ce monde, le monde de Jésus-Christ et le monde naturel. Christ's world is a supernatural world. Die Welt von Christus ist eine übernatürliche Welt. Le monde de Jésus-Christ est vraiment c'est un monde surnaturel. I love this place. Galates 5, I don't love in the Bible. 25. Amen. Galates 5 verset 25. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Amen, amen. Galates 5, 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Galates 5, 25 nous dit que l'Esprit nous a donné la vie, la laissant donc, aussi diriger notre conduite. Praise the Lord. It is a command from Christ that we live in the Spirit. And we should also walk in the Spirit. Das ist ein Gebot des Herrn, dass wir im Geist leben, aber auch im Geist wandeln, das ausleben. C'est un commandement de l'Éternel que on doit vivre dans l'esprit et aussi nous conduire selon l'esprit. Hate the old man. Hasse den alten Menschen. On doit détester l'ancien être humain. How you get it? On était avant. Hate the old man. Hasse den alten Menschen. Put on the new man. Und zieh den neuen Menschen an. On doit détester l'ancien être humain et mettre la nouvelle personne. You know how to put on the new man. Remember Christ. Wie ziehen wir den alten den Before neuen you speak to people, remember Christ. Indem wir uns an Christus erinnern. Et tu sais comment tu vas le faire? Tu dois le faire quand tu te rappelles à Jésus-Christ avant d'être de parler de Jésus. Avec les gens, tu te rappelles qui tu es en esprit, tu es une nouvelle créature. Will Christ speak like how I'm speaking now? Will Christ so speak? How will what will he say? What will he do? Are you getting it? You remember, put on the new man. Zieh den neuen Menschen an. Tu dois mettre l'être. Wenn jemand in Christus ist. Tu dois mettre la nouvelle personne parce que c'est lui qui est. Oui, c'est Let lui qui compte aujourd'hui. Again, today. Amen. If any man be in Christ, 2 Corinthians 5. On va lire 2 Corinthiens 5 pour le comprendre encore de plus. We need a reminder. Amen. Amen. 17. 2 Corinthians 5, verse 17. 2 Corinthians 5, 17. 2 Corinthians 5, verset 17. It says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And so also, once we are praying for people, we never see them with the old eyes. You see them with another eye, which is Christ's eye. Amen. That's how you know, it's faith and action. Faith without work is a dead faith. If you are praying for people and you are not believing that they are saved, they will never be saved. Amen. Wenn wir für Leute beten, müssen wir Leute auch so sehen, als ob sie dann halt errettet sind und auch so sprechen mit ihnen, als ob sie errettet sind. Don't see them the old way. Wir dürfen sie halt nicht so sehen wie, wie früher und sagen und besonders auch Sachen sagen wie die Person ist immer so, die wird sich nie ändern. Und Leute halt einfach indirekt mit unseren Worten abstempeln, obwohl wir eigentlich für sie gebetet haben. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que dès que quelqu'un naît uni en Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Ça signifie que dès que tu pries pour quelqu'un, tu es de prêcher pour quelqu'un, toi aussi tu dois avoir l'attitude comme si la personne est maintenant une nouvelle créature, même si tu n'as pas encore vu la manifestation. Donc tu prêches à quelqu'un et la personne, par exemple, ne croit pas, est toujours en train de douter, mais toi, c'est toi la personne qui va pas, qui ne doit pas douter. Donc tu dois avoir la foi et traiter la personne comme si tu étais une nouvelle créature. If you are preaching to them, believe that they are saved. You are to believe it. Though they are, you might not even be saying it. You walk by faith and not by sight. You don't walk by what they are doing. You walk by what you are preaching to them. Amen. Are you getting it? And you don't see them when they make mistakes. Oh, no, there is never, it never changed. It's still the same. You are, it's like aborting your prayer for them. I don't know what you call abortion. Genau, wenn wir Abtreibung. Wenn du für sie betest, dann sollst du sie auch in Christus sehen und auch wenn du zu ihnen sprichst, sollst du dabei auch sie in Christus schon sehen und nicht wieder, wie gesagt, mit deinen Worten das, was du im Gebet eingesät hast, wieder rausreißen, diese ganzen Samen wieder rausreißen und sie, weil eigentlich betest du Leben, aber du sprichst immer wieder Tod über sie. C'est comme tout comme que quand tu prêches à quelqu'un, tu dois aussi avoir la foi en toi. Donc tu ne dois pas, parce que quand tu parles à l'être humain ou bien à ton prochain, tu donnes la vie à cette personne. Tu lui donnes la vie. Tu es en train d'injecter la vie. Et quand la personne fait quelque chose de mal et tu dis elle était toujours comme ça. Elle n'a jamais changé. Donc c'est toi-même qui es en train d'avorter encore. Cette vie que tu as donnée en elle. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you get it. J'espère que vous avez compris ça. Amen. Again, in Galatians 5:25, it said, it is a command from Christ that we live in the Spirit and we should also walk in the Spirit. Es ist ein Gebot des Herrn, dass wir im Geist leben und wandeln sollen. C'est un commandement de l'Éternel qu'on doit être dans la vérité et vivre dans l'esprit. The spiritual world of Christ is our life. Die geistliche Welt ist unser Leben. Ist unser Zuhause. We don't visit there, we live there. Wir besuchen diesen Ort nicht, wir leben dort. L'esprit, le royaume des cieux, c'est pas, on n'y va pas pour visiter. On est déjà dedans. On est en train de vivre dans l'esprit et on doit être habitué à être toujours en esprit, à se comporter aussi comme ça. You know, so many religions they visit it in the church. They might be there. You understand me? Once they're outside, after church is very, very important. Allow the after church to be exactly like the church. Amen. Und wir müssen halt zulassen, dass auch im Königreich Gottes vor dem Spiel, nach dem Spiel ist, dass auch after church, nach der Gemeinde, dass wir auch nach der Gemeinde in Christus wandeln, dass unser Wandel nicht von unserem Umkreis, unserem Umfeld oder von Menschen abhängig ist. Mm. Donc là, les gens, les religieux, par exemple, les gens religieux, eux, ils visitent le royaume des cieux, parce que dès qu'ils sont à l'église, ils sont comme s'ils sont dans le royaume des cieux, dès qu'ils sont en train de, ils partent à la maison, ils sont en train de vivre leur monde ancien. Et nous ne sommes pas comme ça parce qu'on doit vraiment la vie après l'église, ça doit toujours continuer comme dans l'église, toujours comme dans le royaume des cieux. Amen. Donc c'est pas une visite. The spiritual world of Christ is our home. The judge shall live by faith. Die geistige Welt von Jesus Christus ist unser Zuhause. Stop visiting there. Live there. Let him become your lifestyle. Let Jesus become your lifestyle. Amen. Wir sollen diesen Ort nicht besuchen, wir sollen nicht da immer tagtäglich ein- und ausstempeln, sondern wir sollen da leben. Le monde spirituel de Jésus-Christ, ça doit être notre mode de vie, c'est notre maison, c'est notre foyer. Et c'est pour cela qu'on doit être habitué à y vivre et pas toujours à visiter ce lieu-là. Donc on doit y vivre, vraiment, c'est vraiment important. Praise the Lord. Hallelujah. The spiritual world of Christ are not of religion. Religion have their word. Die geistliche Welt von Christus. And not of Satan. Satan have his spiritual world. Denn der Satan hat auch seine geistliche Welt. Et je parle de monde spirituel de Jésus-Christ parce que le diable aussi a son monde spirituel. Amen. And that's why if you are if you are talking about Christ, people think you are spiritual. They can even give you something of Buddha or you know, they think you are spiritual. They don't know the difference between Christ's the spiritual word of Christ and that of Satan. Amen. They don't know the difference. Und deswegen, wenn du über Jesus Christus sprichst, denken die Leute, du bist einfach nur geistlich und versuchen dann zu sagen, ja, ja, ich bin auch geistlich. Ich glaube auch an irgendwelche Perlen oder ich glaube auch an Buddha oder ich mache auch geistlichen Yoga oder sonstiges. Aber da musst du ganz klar sagen, es gibt ein geistliches in Jesus und es gibt ein geistliches beim Teufel. Donc, par exemple, tu dois vraiment être comprendre la différence entre le monde spirituel de l'éternel et le monde spirituel du diable. Parce que quand tu dis, tu parles de la spiritualité, les gens vont aussi venir te dire, que, vont commencer aussi à te dire, oui, je suis aussi spirituel et te parler de Bouddha. Mais là, tu dois vraiment être courageux et dire non, moi je vis dans le monde spirituel de Jésus-Christ, le monde spirituel des autres dieux, ce sont les mondes spirituels du diable. Praise the Lord. On va lire 1 Corinthiens 2. Look at verse 13. 13. Verse 2, chapter 2, verse 13. 1 Corinthiens 2, 13. He said, which thing also we speak, not in the words, which man's wisdom teacheth. But where is the Holy Ghost teaching? Comparing spiritual things with spiritual. Amen. Can you see the 2 Corinthians 2:13? Und davon reden wir spiritual auch nicht. Spiritual things with spiritual. In Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Das Geistliche mit dem Geistlichen erklären und mit dem Geistlichen von Christus, nicht mit dem Geistlichen des Satans. 13 nous dit que et nous en parlons. Non pas avec les langages d'enseigner enseigne la sagesse humaine, mais avec celui dans qui enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. Amen. Donc on explique seulement la spiritualité à ceux qui sont aussi dans l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. You know, people want, you know, it's not about being spiritual because said in this in satanic world they are spiritual. Und es geht nicht nur darum geistlich zu sein, weil in der satanischen Welt sind Menschen auch geistlich. Il ne s'agit pas, on doit comprendre qu'il ne s'agit pas d'être seulement spirituel parce que dans le monde du diable ils sont aussi spirituels. Amen. Remember Ephesians 6, we wrestle not against flesh and blood but against spiritual. You see, the spiritual world, Satan is also a spirit. He have his spiritual world. And no religion is based on that. The religion they are coming from there. All religion they are coming from there. It's only Christ that is coming from Christ's spiritual world. Amen. Und all religions are coming from that satanic spiritual world. In Epheser 6 lesen wir, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen geistliche Mächte und Fürstentümer. Das heißt, es gibt eine geistliche Welt, die nicht von Christus ist und die deswegen teuflisch ist. Und diese ganzen Religionen, sie haben auch einen geistlichen Aspekt. Und dieser geistliche Aspekt ist, die haben alle die gleiche Quelle, das ist der Satan. Er hat daraus nur verschiedene Wege gemacht, damit Leute umso mehr von dem wahrhaftigen Weg abgelenkt sind. On doit comprendre que même Ephésiens aussi nous dit que on est en train de combattre contre on combat contre les esprits, hein, les esprits du diable aussi, pour nous faire voir que le diable aussi a ses propres esprits. Et même les religions, c'est aussi le diable qui a créé beaucoup de rues, comment dire, de moyens, de chemins, voilà. Il a créé beaucoup de chemins pour nous piéger. Et par exemple aussi avec la religion, pour nous piéger, aussi pour encore retomber vers ses œuvres. You know, when people tell me I'm spiritual, I'm saying I'm not spiritual, I'm Christ. Amen. Because I know where they are going to. Mm. Amen. They are talking about religion. Are you getting it? I'm Christ. Amen. Amen. Wenn Leute mir versuchen zu sagen, dass sie geistlich sind, sage ich, ach so, okay, aber ich bin Jesus Christus, weil ich weiß ganz genau, woher diese Aussage kommt, dass sie eher von einem satanischen Hintergrund kommt und nicht von der Wahrheit. C'est pour cela quand quelqu'un me dit que oui, toi tu es vraiment très spirituel. Moi je dis non, je suis pas spirituel, je suis Jésus-Christ parce que moi je comprends directement qu'est-ce qu'ils veulent me dire à travers être spirituel, ils veulent me mettre encore dans la religion. Praise the Lord. Amen. You know, the Bible says if we live in the Spirit, we should also walk in the Spirit and not in the flesh. Die Bibel sagt, wenn wir im Geist leben, sollen wir auch im Geist wandeln. Wir sollen nicht im Geist leben und dann im Fleisch wandeln. You don't live in the Spirit and walk in flesh. La Bible nous dit que si on est dans l'esprit, on doit aussi se comporter comme si, comme les gens qui sont dans l'esprit. Donc c'est pas que oui tu es dans l'esprit, mais tu es en train de te comporter charnel. Ça n'existe pas. Ou tu es charnel, tu te comportes charnel. Ou tu es spirituel et tu te comportes en esprit. Amen. You know, I'm born again, but my system is still the system of this world. Ich bin wiedergeboren. My value, my desire, my motive is still of this world. Aber meine Mentalität, mein System, meine Denkweise ist immer noch von dieser Welt. C'est comme si tu voulais dire que je suis né de nouveau, mais mon système, ma mentalité, tout ce que j'aime, c'est encore de ce monde. You think like them, you decide like them, you take decisions like them. You love what they love, you hate what they hate. What they call evil is what you call evil, and not what Christ called evil. You might even be born again for some time. It's a matter of time before you join them completely. Yeah. Und du bist zwar wiedergeboren, aber du liebst das, was sie lieben, du hast das, was sie hassen, du denkst so wie sie, du triffst Entscheidungen so wie sie, du zelebrierst das, was sie zelebrieren. Und es kann sein, dass du wiedergeboren bist, aber es ist nur eine Frage. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bevor du dann wahrhaftig alles hast, was sie hassen. Und sie hassen Jesus. Und dann wirst du auch selber irgendwann Jesus hassen und verweigern. Par exemple, tu dis que tu es né de nouveau, mais tu pars dans des tu célèbres comme eux, tu aimes ce qu'ils aiment, tu prends les décisions comme le monde prend des décisions. Donc tu fais tout ce qu'ils sont en train de faire, mais tu te rends pas compte que peut-être tu es né de nouveau, mais c'est une question du temps jusqu'à ce que tu puisses être comme eux, tu puisses plus aussi suivre Jésus-Christ parce que tu es tellement en train d'aimer ce que eux ils sont en train d'aimer que tu n'appartiens plus au Christ. If you live in the spirit, if you live in the spirit, walk in the spirit. You know, it's not born again, but you know, what you celebrate, you know, you go to burial. You know, somebody wanted to go and bury the father in the Bible. Jesus said, let the dead bury their dead, but you follow me. Are you getting it? That alone should tell you that you are not to be even there. If in places that you are not to be. Are you getting it? Amen. Learn to choose Christ. It is for your own safety. He loves you. He loves you. Just, you know, we open the door for Satan in different ways. And he's going to do his job. That something did not happen on that day that you were there does not mean Satan have not planted seed. Takes time. 9 months. If a woman is pregnant, you might not even be seeing the tummy big, but it's going to give birth. So also, once you open the door for Satan, it's... Okay. Und diese Aussonderung, dass wir anders sind, das ist nicht zu unserer Bestrafung, das ist zu unserem Schutz, sind wir anders. Ne? Zu unserem Schutz sind wir nicht so wie sie und sollen nicht da sein, wo sie sind und das feiern, was sie feiern. Weil es sonst nur eine Frage der Zeit ist, bis wir genauso wie sie dann halt verloren gehen. Und nur weil... wir dann halt dahin gegangen sind und das Gleiche gemacht haben wie sie, heißt das, und da nichts passiert ist, in Anführungszeichen, heißt nicht, dass nichts passiert ist, weil es gibt immer noch eine geistliche Welt und da funktioniert auch alles nach Same und Zeit und dann Ernte. Es können Dinge eingepflanzt worden sein und die kann dann irgendwann wachsen und man fragt sich dann, wie ist diese Sache passiert? Aber es ist, weil wir vorher zugelassen haben, dass der Satan durch die Entscheidung, die wir getroffen haben im Fleisch, Dinge in unser Leben sieht und wir dafür später die Quittung bekommen. Deswegen müssen wir uns wirklich schon mal den Geist leiten lassen, wo wir sind und wo wir nicht sind. Genau. Und Jesus Christus hat sogar zu einem Mann gesagt, der seinen Vater... der seinen Vater begraben wollte, hat er sogar zu ihm gesagt, lass die Toten begraben und du folge mir nach. Und wenn er das sogar zu einem Vater sagen kann, wie viel mehr kann er das zu allem anderen sagen? En fait, maman a dit aussi que, vous rappelez dans la Bible, il est écrit aussi qu'il y avait un homme qui voulait aussi partir enterrer. Qui voulait enterrer aussi il voulait enterrer son père et Jésus-Christ a dit que laisse les morts enterrer leurs morts pour nous dire qu'il n'y a personne qui est plus proche de toi que ton propre père Et si Jésus-Christ dit quelque chose comme ça à un être humain, c'est aussi pour nous. Il nous parle aussi à nous aussi aujourd'hui. Lui, il nous fait, donc, il fait la différence. Il veut nous protéger, en fait. Il ne veut pas qu'on puisse être comme eux dans ce monde parce qu'il sait que ce monde va nous éloigner de lui. Et c'est pour cela qu'il est en train de nous protéger quand il dit que vous êtes différents. Parce que... Praise the Lord. Est-ce qu'elle peut répondre? Galatians 3:3. Look at what Paul said. He's the writer of Galatians. Der hat gesagt, sie sondert uns aus. Warum? Zum Schutz. Ja, und dann? Nicht zu unserer Bestrafung. Ja, und dann? Damit wir Dinge nicht in unser Leben sehen, die dann später... Ah, genau, genau, okay. Voilà, merci. Nee, nee, nee, nee. Oui, en fait, il nous protège aussi parce qu'on doit aussi être... pour ne pas partir dans quelques lieux, pas parce que quelque chose n'est pas pas, ça s'est pas passé dans ce moment-là, ça signifie pas que tu vas pas avoir une conséquence. Par exemple, quand une femme, elle est enceinte, le jour qu'elle va tomber enceinte, c'est pas le jour qu'elle aura un gros ventre et l'enfant va sortir, c'est après 9 mois. Tout comme dans, tu peux partir dans un endroit, ce jour-là, tu n'as rien, tu vois rien de grave, mais ça ne signifie pas que, qu'il y a un grain, que le diable a déjà sémé un grain dans ton cœur ou dans ton corps ou je ne sais pas, dans ton quoi, pour qu'il ne va pas avoir une conséquence après. Hein? Help us okay. To read Galatians 3:3. On va lire Galates 3:3. Doris, can you help us, Charles? Yeah. How foolish can you be? After starting a new life in the spirit, why are you now trying to become perfect by your own human efforts? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, that's, I have King James. Amen. Amen. He said, are you so foolish? Have you begun in the spirit? Are you now made perfect in the flesh? Praise the Lord. Amen. Amen. Are you now best? You know, a lot of us we live that life. Viele von uns leben dieses, führen dieses Leben. Oui, beaucoup d'entre nous sont en train de vivre cette vie vraiment qui n'a pas de sens d'être spirituel, mais vivre dans la chair. C'est ce que nous, verset 3 nous dit ici. Learn to live in the spirit and walk in the spirit. Lernen, um Geist zu leben, um Geist zu wandeln. Let it allow it to become your lifestyle. Das soll dein Lebenswandel sein. Parce qu'ici nous dit que manquez-vous à ce point d'intelligence après d'avoir commencé par l'Esprit de Dieu et continuer par la chair pour nous dire que le style de vivre de Jésus-Christ, ça doit être notre style. That is our heavenly world here on earth. Das ist unsere himmlische Welt hier auf Erden. C'est notre vie spirituelle, surnaturelle ici sur Terre. Are you getting le it? Royaume du ciel. Yes, Satan cannot steal your joy, cannot steal your peace, cannot steal your rest. Wo der Teufel unseren Frieden, unsere Ruhe. Everything here can be controlled by Satan. It's only there in the spiritual world of Christ that Satan cannot touch. Nur in der geistlichen Welt von Christus ist der Teufel ungreifbar. Nein, kann der Teufel nichts machen. En fait, on doit comprendre que malgré on est sur terre, le diable peut contrôler toutes les histoires ici sur terre. Mais nous, quand on est dans le royaume des cieux ici sur terre, c'est le seul endroit où le diable n'est pas capable de contrôler notre joie et notre paix. Donc, il n'est pas capable de nous toucher. Mais malgré on est en train de vivre ici, c'est pour cela, c'est vraiment important de ne pas seulement de visiter, de y vivre, de croire à ce que lui il dit. If you are really saved, you will love to learn how to walk in the spirit. Wenn du wirklich errettet bist, wirst du es lieben zu lernen im Geist zu wandeln. Si tu es vraiment, tu as vraiment ton salut, tu vas vraiment aimer aussi de vivre en esprit. You know, some weeks ago, Amina asked a question. He asks if they were born again. Or are we saying that they are not born again? Vor ein paar Wochen hat Amina eine Frage gestellt, bevor sie gegangen sind, ob wir glauben, dass sie nicht errettet sind. Amina avait demandé le jour qu'ils étaient en train de partir, elle a demandé que est-ce que vous croyez que nous ne sommes plus nés de nouveau? I see if it is about born again. So als ob es um die Errettung geht. Es geht nicht um what religion called born again. Es geht nicht um das, was Religion Errettung nennt. It's not the same as what Christ called born again. Es ist nicht das, was Christus Errettung nennt. C'est comme s'il s'agissait d'être né de nouveau, mais il ne s'agit pas d'être né de nouveau. Il s'agit de ce que Jésus-Christ appelle être né de nouveau. On va voir ça dans la Bible, parce que c'est... Oui. Praise the Lord. Hallelujah. We just read. Wiedergeburt ist das Gleiche. Amen. Amen. Galatians 3. Amen. Amen. We just read Galatians 3:3. Where he said you can start in the spirit and now you are not walking in the flesh. Wir haben gerade Galater 3:3 gelesen, wo steht, du kannst im Geist anfangen, aber ist im Fleisch vollenden. On vient de lire Galates 3:3 où ça nous dit qu'on peut commencer avec l'Éternel en esprit mais continuer dans la chair. You know, just praying the prayer of salvation is not cannot even save you forever. Einfach das Errettungsgebet beten kann dich auch nicht für immer retten. Le fait que tu as prié ou prononcé la prière d'être né de nouveau, ça va pas te sauver pour toujours. It's like giving birth to a baby and just throwing the baby on the street. C'est comme si tu un enfant gebärst et tu auf die Straße schmeißt. C'est une frage de temps et il wird auf der Straße sterben. C'est comme si tu as fait naître, tu as accouché un enfant et puis tu jettes cet enfant seulement dehors, dehors. Bien que ton enfant est né, mais c'est une question de temps jusqu'à ce qu'il va mourir parce que tu l'as abandonné. Lucifer was once in heaven. Lucifer war einst im Himmel. Lucifer était au royaume des cieux une fois. Praise the Lord. Hallelujah. He was once in heaven. Er war einst im Himmel. Il était au royaume des cieux. And that's why you can be once saved. Deswegen kannst du einst errettet sein und dann auf einmal nicht. Et c'est pour cela que tu es capable d'être sauvé et puis mais ne pas continuer à être sauvé et puis de retomber comme Lucifer. That you pray the prayer of salvation here does not mean you'll be saved forever. Das was Gebet hier gebetet hast, heißt nicht, dass du für immer errettet bist. Juste parce que tu as prié la prière du salut ici dans cette église, ça te rend pas sauvé pour toujours. C'est une décision que tu dois prendre chaque jour de suivre Jésus-Christ. Diese Entscheidung, die du an diesem Tag getroffen hast, muss für dich immer wieder präsent sein. Cette décision doit toujours être présente chaque jour. Praise the Lord. On va lire Luc 9. Lukas 9, Vers 23. Luc 9, 23. And he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. Every day. Jeden Tag. Daily. Amen. Là, il dit qu'on doit prendre notre croix et lui suivre chaque jour. You know, that was always Paul's fear. When he was, you know, anytime he write to, they said, I hope Satan have not deceived you. I hope Satan, because you can be saved yesterday and today you are no longer. Das war auch die, it's a decision, it's a choice. It's different from commission. It's different from, you know, if you are born with your mother's blood. Your mother's blood is not by choice. You cannot separate yourself. You understand me? You cannot remove the blood. You see, the blood is always there. Amen. Amen. It's different from Christ, once you are born by Christ. It's to be choice. Born by Christ is by choice. It took me years to understand it. Because I was always thinking that once you are born by your parents, you understand me? Once you are born by your parents, you cannot separate. Because of the blood. Why that of Christ? Then the Lord said it is by choice. It's all his choice word. In the natural world, you don't have any choice. Take note, please. Und früher habe ich mal gedacht, genauso wie ich das Blut meiner Mutter sozusagen nicht aus meinem Blut ausradieren kann und ich immer ihre Tochter sein werde, biologisch gesehen, genauso werde ich auch immer wieder die Tochter Gottes sein, weil man das auch nicht ausradieren kann. Aber da habe ich nicht bedacht, dass ich von meiner Mutter geboren worden ist. Das habe ich nicht entschieden. Ich habe sie nicht auserwählt und dann gesagt, ich will aus ihr rauskommen, sondern es ist etwas, was einfach passiert ist durch den Willen Gottes. Aber die Sache mit der Wiedergeburt, die Sache Jesus Christus zu akzeptieren, das habe ich freiwillig gemacht, das habe ich aus freiem Willen gemacht. Ich habe mich für Jesus Christus entschieden und deswegen kann ich auch aus freiem Willen da wieder aussteigen. En fait, moi avant, je pensais que que le sang de Jésus-Christ avec moi, notre lien, ça fonctionne comme le lien de sang de Jésus-Christ comme le sang de ma mère avec le mien. Et l'Éternel m'a expliqué que c'est pas la même chose parce que le sang de ma mère ou bien de ma famille avec le mien, moi, c'est pas moi qui a choisi ça. Donc, c'est pas moi qui a dit « je veux cette mère et pas cette autre-là ». Donc, c'était pas mon choix. Je suis née à travers ce sang-là. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est par choix. C'est moi-même qui a choisi d'être dans ce sang-là. Donc, et c'est aussi de la même façon que je peux aussi choisir de ne plus être, de ne plus l'appartenir. Donc, malgré que le sang de Jésus-Christ est si fort, mais c'est toujours un choix que tu dois faire chaque jour. Praise the Lord. Amen. A place it does not mean we don't make mistakes. Amen. What man call mistake, you know what we call mistake. We make mistake, but we are fast to repent. Und das heißt, dass wir keine Fehler begehen, aber repentance. Christ love repentance. We love it. En fait, und wir tun diese schnelle Buße. And be fast to it. It's not taking years, taking months. Und wir tun diese schnelle Buße nicht, damit der Herr uns nicht aufhört zu lieben, sondern wir tun diese schnelle Buße, damit der Teufel nicht Zugang zu uns hat. En effet, ça signifie pas qu'on est parfait ou on fait pas des péchés ou bien on fait pas des erreurs. On peut continuer à faire des erreurs, oui, mais le truc est qu'on doit être vraiment très vite à retourner, à se repentir. Donc, dans la vitesse pour se repentir, ça doit vraiment être là, directement se repentir et retourner dans l'esprit. Et ça, c'est une chose vraiment très importante. And we also know people through their repentance, how fast they are in repentance. Mm-hmm. If you are really of Christ, if you are really saved, you will... You know, once you get the message, you repent. You will just love it. You love to repent. It doesn't take your time. Wir erkennen auch Menschen durch die Geschwindigkeit ihrer Buße sozusagen, durch diese Willenskraft, die sie zeigen, Buße zu tun. Das zeigt uns auch, wo das Herz dieser Menschen liegt, ob diese Menschen wirklich errettet sind und auch wirklich in Christus wandeln wollen. On va comprendre si tu es vraiment sauvé, parce que si tu es capable vraiment de te repentir si vite que possible. C'est donc dès que tu as compris que tu es dans la chair, que tu n'as pas besoin d'un mois ou de deux mois, tu es en train de justifier et de te battre à te repentir. Non, si tu es capable à te repentir immédiatement, là, ça fait vraiment voir que tu es vraiment sauvé, que tu es vraiment un enfant de Dieu. Et tu vas aussi aimer à laisser le Saint-Esprit te corriger et toujours te repentir. Remember when you know where Paul repented. As Paulus a Buße getan hat. When he was called Saul. And the Lord appeared to him when he was persecuting the people. It was immediately. It did not take months, yes, weeks. Immediately the Lord appeared to him. There was repentance. Are you getting it? That's how you know that you are really saved. Und er hat direkt Buße getan. Really ist direkt zu ihm gekommen. Und das zeigt direkt, dass man wirklich zu ihm gehört und dass man sich da nicht darauf ausruht, auf der Gnade. Also ja. On peut voir aussi avec Saul, par exemple, quand on voit que dès qu'il a fait des histoires qui étaient mal, dès que l'Éternel est venu vers lui, lui s'est directement repenti. Donc la repentance était là et puis il n'a plus voulu retourner là où il était. Don't allow evil to become your lifestyle. Lass nicht zu, dass das Böse dein Lebensstil ist, dein Lebenswandel ist. Il faut pas autoriser que le mal soit ton mode de vivre. You know, it is so easy to know those that are really born again. Es ist einfach, die Leute zu erkennen, die wirklich wiedergeboren sind. C'est vraiment facile à reconnaître les gens qui sont nés de nouveau. And those that are saved, that are born again, they are so few, very, very few. Und es gibt wenige, die wirklich wiedergeboren sind. Et ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont vraiment peu. Ils sont pas beaucoup. No wonder in old world only 8 people were saved. Kein Wunder, dass in der alten Welt nur 8 Leute rettet wurden. To be really saved. C'est pour cela dans l'ancien monde. Das, was Christus errettet. C'est pour cela dans l'ancien monde de Noé, il y avait que 8 personnes qui étaient sauvées et c'est que l'Éternel appelle être sauvé. C'est pas in la two même cities, only how many people were saved? 3 people. In 2 Städten. Sodom and Gomorrah, 2 cities. Waren nur 3 Leute errettet. You can see that to salvation, you know, to be saved is a big deal and it's that narrow gate. On peut voir aussi dans les deux cités, Sodom et Gomorrhe. On voit par exemple dans les deux cités, Sodom et Gomorrhe, seulement 2 personnes, 2 ou 3 personnes ont été sauvées pour te faire voir que être sauvé c'est vraiment une chose très importante et aussi difficile. Les gens pensent qu'ils sont sauvés, mais quelquefois ils ne le sont pas. You know Hebrew 12 talk about the Lord. Let us go to Hebrew 12. On va lire Hébreux 12. Hebrew 12. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 12. It's verse 1. It says, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight. Every weight. Yeah, last. You know, once you are going to run any race and you are carrying weight, you cannot even run that race. Wenn du in einem Rennen mitmachst, willst du keine Last tragen, weil sonst bist du langsamer oder du wirst sogar ganz rennen können. Hébreux 12, verset 1. Donc, on doit prendre tous nos fardeaux. On doit se débarrasser de tous ces fardeaux. Par exemple, quand tu vas faire une course, tu dois vraiment te débarrasser de tout ce qui va peser dans ton corps. Tu dois te débarrasser de tous les fardeaux. You know your weight, the weight you are carrying. Kennst du die Last, die du trägst? Est-ce que tu connais le fardeau que those tu portes? You refuse to que let tu as? Die Dinge, que tu portes? That weight will prevent you from making it. Die Dinge, die du nicht loslassen kannst, die werden dich davon abhalten, es zu packen. Allow Christ to take them away. Okay, sure. Qu'est-ce que ton fardeau? Toi-même, tu dois aussi examiner ta vie. Qu'est-ce qui est ton fardeau? La chose que tu ne veux pas abandonner, que tu n'arrives pas à laisser l'Éternel, donner à l'Éternel. Tu dois vraiment donner à l'Éternel parce que sinon, tu ça va te prévenir de venir vers Dieu. He said, let us lay aside every weight. Every weight. Jede Last. Let us lay. Let us get rid of them. Jede Last soll loswerden. Tu dois te débarrasser de tout. Toutes sortes de fardeaux. And the sin which does so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then how are we going to run the race? These are reasons. That is verse 2. Verse 2 is telling you how. It's looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Amen. Verset 2 nous dit comment faire cette course. Et c'est quand on a nos yeux gardés et nos yeux fixés vers l'Éternel. Amen. You have to allow, you know, he himself has to allow his focus to be on his Father. Amen. So also we have to allow our focus to be Christ. Amen. That's how we can run that race. Amen. Stop looking at anybody. Stop looking at the past. Not looking at the future, just allow it to be Christ. Amen. Jesus musste seinen Fokus auch auf den Vater haben, damit er dieses Rennen packt. Und genauso sollen wir auch unseren Fokus auf Jesus haben, damit wir dieses Rennen schaffen. Und nicht nach links oder nach rechts schauen oder zurück in die Vergangenheit gucken oder uns von der Zukunft ablenken lassen, sondern einfach fokussiert auf Christus weiterlaufen. Tout comme Jésus-Christ a dû avoir ses yeux fixés vers son Père pour en continuant cette course qu'il avait ici sur terre, c'est le même que nous, la même chose qu'on doit faire ici. Nous aussi, on doit fixer nos yeux vers Jésus-Christ pour être capable à surmonter cette course qu'on est en train de faire et ne pas regarder de gauche à droite. Praise the Lord. Alléluia. Oh, let your focus be Christ. Laisse ton focus sur Christ. Tu dois vraiment avoir tes yeux fixés vers Jésus-Christ, remember s'il Christ te plaît. Then you have, that's how you free the Holy Spirit to work for you. So if you can remember Christ, the Holy Spirit, it's like you kick the engine. You kick the engine of the car wants to want to drive. How to kick the engine is remember Christ. Amen. Then the Holy Spirit just starts his job. Wir starten den Motor, den wir uns an Christus erinnern. On doit vraiment avoir notre yeux fixés vers Jésus-Christ. Et ça se passe dès que tu te rappelles de Jésus-Christ. Parce que dès que tu te rappelles de Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit est activé. Et c'est comme si tu étais en train de démarrer un moteur. Donc, tu te rappelles de Jésus-Christ, le Saint-Esprit directement prend charge de tout et continue tout pour toi. Praise the Lord. Amen. Again, those that are born again are so few, very few. Die wiedergeboren sind so weniger. Je vous rappelle, ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont vraiment. I'm not saying that. I'm not saying those that pray the prayer of salvation. Ich meine nicht die Leute, die Errettungsgebet gesprochen haben. Je ne parle pas des personnes qui ont prié la prière du d'être né du salut. Amen. Du salut. Mais I'm not saying. I'm not talking about those. That religion called born again. Ich spreche nicht von what Christ called born again to be saved. Go to John 3:3. Johannes 3:3. On va le lire à Jean 3:3 parce que je ne parle pas de ce que la religion dit d'être qui sont nés de nouveau. Je parle de ce que Jésus-Christ appelle être né de nouveau. Praise the Lord. Alléluia. Jean 3:3. Jean 3:3. Johannes 3:3. Jesus answered and said unto Nicodemus, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. To see and to enter are two different things. Das Königreich Gottes zu sehen und einzugehen ist das gleiche. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, au moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu et de voir le royaume de Dieu, ce sont deux choses différentes. To see the kingdom of heaven and to enter into it are two different things. Das Königreich des Himmels zu sehen und da einzugehen, sind zwei verschiedene Dinge. Le fait de voir le royaume de Dieu et d'y entrer, ce verse sont deux choses différentes. Look at verse 5. Regardez le verset 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. This time he's saying enter. Jetzt sagt er eingehen. The first one he says see. Das andere war sehen. And now he's saying enter. Und hier ist eingehen. And somebody getting something. Yeah. Donc ici on voit que dans le verset 5, il dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais, en verset 3, il disait ne peut voir. Donc ici il fait une différence si vous le remarquez. You know, for years I thought that this water is even talking about being born into the natural world. But the Lord said no. He's being born by the Spirit. Amen. Yeah. But Christ called water. We see some example. Amen. Und Wasser bedeutet hier Geist. Ich dachte immer, dass dieses Wasser auf die natürliche Geburt bezogen war. Ici, moi, l'Éternel m'avait expliqué que de l'eau. Qu'il parle ici dans le royaume, dans le verset 20, 5, il s'agit de l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Of water is not talking about the natural water or dieses able Wasser to be born of the flesh. Ist nicht das natürliche Wasser oder auch nicht geboren zu sein vom Fleisch. dans cette eau ici qu'il parle, c'est pas de l'eau naturelle ou de l'eau charnelle. You know, we are already born of the flesh. Isn't if born you are a man. Flesh. C'est pas être né à travers la chair. When we are a man, when we are Menschen sind. In verse 3. In verse 3 says we are already born of the flesh. In verse 3 steht, wir sind schon aus dem Fleisch geboren. Verset 3 nous dit déjà qu'on est déjà né par la chair. He said, except a man be born. Again, a man. To be a man, it means you have been born of the flesh. Ein Mensch zu sein bedeutet, dass you are here as a man because you have been born of the flesh. Être un homme, ça signifie que tu es, ou bien un être humain, ça signifie que tu es déjà né à travers la chair. Et c'est pour cela qu'il parle pas de ça. Anytime Jesus talked about water, he is referring to the Holy Spirit. Wenn Jesus über Wasser spricht, spricht er über den Heiligen Geist. Chaque fois que l'Éternel est en train de parler de l'eau, il est en train de référer. C'est une référence pour le Saint-Esprit. Johannes 7. On va le lire à Jean 7. 37-39. Jean 7, 37. Okay, yeah, it is. John 7:37-39. 37 to 39. Are we there, please? Mm-hmm. He said, In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Oh, Daddy, thank you. Amen. Amen. Verse 28. He that believe on me, as the scripture has said, Out of his belly shall flow rivers of living water. Praise the Lord. Amen. He's talking. And if you look at verse 39, look at it. They will explain it here. Verse 39. He said, But this speak he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Is somebody getting something here? Amen. Amen. Also, if you go to John 4, Jesus, you know, that woman at the well. Johannes 4, wo Jesus was talking about water. Mit der Samariterin gesprochen hat. Hat er auch über Wasser gesprochen. Donc ici, il parle de l'eau et ici, ça nous fait voir qu'il est en train de référer l'eau au Saint-Esprit. Et si tu vois aussi dans avec l'esprit de la femme samaritaine. Jésus-Christ aussi, à Jean 4, Jésus-Christ aussi parlait de l'eau. John 4, verset 13 et 14. Jean 4, 13 à 14. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall taste again. Verse 14. Jean 4, 13 à 14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never taste. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And in John 3 again, verse 5. He said, until you are born of water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of heaven. Nochmal Johannes 3, cannot enter. Als wir von Geist und Wasser geboren worden sind, können wir in das Königreich Gottes eingehen. Amen. Et maintenant, on retourne encore à Jean 3, verset 5. Là, il nous dit que si on n'est pas né, vraiment, je te l'assure, à moins d'être naître d'eau et de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Of water and of the Spirit. We just explained water. Look at of the Spirit. John 6, 63. On venait de d'expliquer et de voir que l'être de l'eau c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, on va voir la signification d'être né de l'esprit. C'est Jean 6, 63. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profited nothing. The words that I speak, it's not the word that Moses speak. It's not the word that Pope speak. But the Pope speaks. Or Mary speak. Or Maria speaks. Oh, no, are you getting it? Unto you, they are spirit and they are life. My word is spirit. My word is Geist. Except you are born of the water and of the Spirit, you cannot enter. It's talking about renewal of the mind. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dit, sont esprit et vie. Donc, sa parole, et ça signifie aussi qu'on doit être, on doit renouveler nos pensées. Until you are born by the Holy Ghost and by the word of Christ, you cannot enter into the kingdom of heaven. Können wir in das Königreich des Himmels eingehen? On peut seulement entrer dans le royaume entrer dans le royaume des cieux seulement si on est né de nouveau à travers le Saint-Esprit et de sa parole. Là, on peut entrer parce qu'on a sa parole en nous, on a renouvelé nos pensées, on sait ce que ça signifie et là, on est capable d'entrer. That's why renewing of the mind is very important. You allow Christ to change your inside. What they call, et c'est pour cela que c'est vraiment important de renouveler nos pensées parce que là on est en train d'autoriser au Christ de renouveler de laver nos anciennes pensées. Allow him to wash the evil away, all those evil. Lass zu, dass das Böse wegwischt. On doit vraiment autoriser à l'Éternel de laver nos pensées, de le renouveler. Praise the Lord. Hallelujah. You can see Peter, James, John. You can see they were, you know, they were brainwashed by Christ. You know, they were on land. And when they now speak, when Jesus left, and because Jesus poured everything to them. You know, when they now speak, you know, you can see that there were somebody that the people could not even understand them any longer. So are you today. Dass die Jünger, and don't be surprised if they don't understand you. Und wir sehen, dass die Jünger eine Gehirnwäsche durchgemacht haben, weil sie verändert worden sind. Sie waren ungelernte Leute, sie waren Fischer, sie waren verschiedene Sachen. Und der Herr hat aus ihnen eine neue Schöpfung gemacht, indem er ihre Gedanken erneuert hat mit seiner Wahrheit. Und deswegen haben sie dann auch nur noch von seiner Wahrheit gesprochen. Mm-hmm. On voit aussi que c'était comme un lavage du cerveau quand Dieu était avec ses disciples. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas capables de parler des autres choses. Ils parlaient que de Jésus-Christ parce qu'il s'agissait tout dans l'être, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il vivait, c'était seulement Jésus-Christ. Donc c'était comme s'il avait lavé leur cerveau et c'est comme ça doit être aussi aujourd'hui avec nous. And that's why they are telling you have been brainwashed. Just say thank, praise the Lord. Jesus is watching. He's just watching the evil. All this evil. out of me. So jemand gesagt, happy. Dass du Gehirn gewaschen wirst, be sagst glad, du, be glad ich bin dankbar für diese Wäsche, weil mein Gehirn hat diese Wäsche gebraucht. Weil es war dreckig, es war verunreinigt. C'est auf dem Weg in die Hölle. C'est pour cela quand, quand on te dit par exemple, mais toi tu viens dans ton église, ils t'ont lavé le cerveau, tu dois dire oui, on m'a lavé le cerveau, mais c'est Jésus-Christ qui a lavé mon cerveau. Il avait dû vraiment enlever tout le mal, toutes les saletés qui étaient dans mes pensées pour le mettre la sienne. Maintenant que Jésus-Christ est dans ma tête. Satan wash also their brain. Und der Satan wäscht auch Wenn wir die Muslime sehen beispielsweise. For you to be able to carry a bomb and kill somebody, you have been brainwashed by Satan. Dass du in der Lage bist, dich selbst in die Luft zu sprengen und andere Menschen mitten in den Tod zu reißen für deinen Glauben, für deinen Gott, das zeigt dir, dass du eine Gehirnwäsche vom Teufel bekommen hast. Donc le diable aussi est aussi capable de laver les cerveaux. Par exemple, dans les musulmans, quand on les voit, par exemple, le fait que tu puisses être capable d'avaler une bombe et pour te faire tuer aussi beaucoup des autres personnes, ça signifie que le diable lui-même, il a vraiment lavé tes pensées, il a vraiment changé ton cerveau. You know, for us, we are not only brainwashed, we are spirit washed. We are soul washed. You know, everything washed. Spirit and body washed. Nous, par exemple, on nous a pas seulement lavé notre cerveau, on peut dire que même notre âme, notre esprit, notre corps est vraiment lavé de nouveau. Praise the Lord. Hallelujah. Again, John 3:3. Johannes 3:3. Except you are born again, you cannot see. You cannot see how much more you can enter. No, du kannst. I don't know if you are getting it. He said you cannot see how much more to enter. Geschweige denn eingehen. Jean 3:3 nous dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es même pas capable à voir. Mais combien de plus seras-tu capable à y entrer? You know, to see and to enter. You know, you have to see first before you can enter. To come here, you have to see the house before you can come inside. Are you getting it? Du musst das Haus erstmal sehen, erkennen, damit du überhaupt in das Haus eingehen kannst. Tu dois d'abord voir quelque chose pour y entrer. Par exemple, même dans cette maison, tu dois d'abord voir cette maison avant d'y entrer. To enter and live there. Einzugehen und dort zu to leben. Enter, it's not to enter and go. You know, people can enter and go. But you to enter and continue to live there. Maybe. To walk. You live in the spirit and walk in the spirit. Du lebst im Geist und wandelst im Geist. Mais tu dois pas seulement être capable à voir et entrer, tu dois pas être capable à voir, entrer et à y vivre pour toujours. Et pour y vivre pour toujours, tu dois vraiment rester, continuer à vivre en esprit. Let us look at those that Jesus said that are there. Das ist, Matthew 18. Die that are already there. That enter. That enter. Die eingegangen. Those that are to enter. That can enter there. Look at how what he called. On va voir. Those he said can enter there. Matthew 18 from 1 to 6. Matthäus 18, 1 bis 6. On va lire Matthieu 18, 1 à 6 pour voir... comment on y entre vraiment dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Who will help us to read verse 1? Doris, I know you want to read very well. But Jenny will help us to read. Okay. But Doris will read verse 2. Yeah, Jenny, you will read verse 1. That's okay. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Mm-hmm. And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In the midst of them. That's where my stop. Amen. Yours continue, though. You still have other things after that. Yeah, because that is full stop. Oh no, it continues. Okay. It's full stop there. Okay, yeah. Full stop there. It's a comma. That's Okay. Okay. Okay. And at the same time, came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. in the kingdom of Jesus Christ. Au Königreich von Jesus Christus. Les disciples se sont demandé who is the greatest? Qui est le plus grand dans le royaume de Jésus Christ? Somebody getting something here. And Jesus called a little child, verse 2. Amen. Unto him. And set him in the midst of them. Verse 3. And he said, verily I say unto you, until you are spirit washed, you are soul washed, you are brain washed, except you are converted and become as little child, and little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Praise the Lord. Ici, Jésus-Christ a appelé un petit enfant au milieu d'eux pour lui dire que si tu n'es pas encore devenu comme un petit enfant comme ça, tu ne peux pas être capable d'y entrer. You know, once you are now there, you are so dangerous to the world. Wenn wir in diesem Königreich sind, sind wir gefährlich für die Welt. Das sagt er in Vers 4. Au verset 4, ça nous dit que si on, quand, dès qu'on devient comme ce petit enfant-là, on devient vraiment dangereux pour le monde spirituel. Praise the Lord. Then verse 4, he still talk about you. Look at this. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. You saw, you know, the inside so changed that you know, little children, they never, you know, for them it's all about their parents. Kleine Kinder, denen geht's nur um ihre Eltern. Parce que les petits enfants, eux, ils sont trop focalisés vers leurs parents. What threatens them is when their parents is no longer there. Das, was ihnen Angst macht, ist, wenn ihre Eltern nicht da sind. Leur seul problème est quand leurs parents ne sont pas présents. Are you right? Somebody getting it? Yeah. And you know. You understand me? He's not talking about little children. He said you are converted and be like them. And how are little children? The mentality. The little children, once you beat them, they are still there with you. They will not run away from you because you beat them. Their parents, you know, they still follow you. You brought them here today. They never ask you, why should we go there? I will not go. They don't have their own say. They depend on their parents 100%. That is how he wants us to depend on him 100%. He's not talking about all these little children that are demons everywhere. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass der Herr spricht hier halt von der Mentalität von Kindern, die auch von ihm sind. Ne? Nicht die Mentalität der Kinder, die von der Welt sind, ne? Die halt komplett vom Teufel als Marionetten benutzt werden. Und es geht wirklich hier um Kinder, die seine Mentalität haben. Und dazu da erklärt er halt, dass genauso wie Kinder halt auf eine Art und Weise bedingungslos lieben, dass nachdem man sie ermahnt hat und getadelt hat, sie immer noch zurück zu einem kommen, dass sie halt keine Widerworte geben sozusagen, wenn man sagt, okay, wir fahren jetzt dahin, dass sie einfach sozusagen ihr fokussiert sind auf ihre Eltern und ihr Vertrauen auf ihre Eltern setzen, so sollen wir halt unser Vertrauen auf Christus setzen und dem Herrn vertrauen und ihm auch keine Widerworte geben, wenn er uns seinen Willen beiträgt. Und dann darf man nicht vergessen, little. I'm a child, you are a child. You know so many things already. Little child. Und es ist auch wichtig, dass dieser Aspekt von Kleinkind, weil kleine Kinder, die sind auch in ihrem Wissen. Die sind in ihrem Wissen. The devil prevent you from coming to the house of Christ. Die sind in ihrem Wissen. So the spirit to spirit. Their spirit is never little. Spirit can be, little children's spirit can be so deadly. They can kill thousands of people. Und auch bei dieser Tatsache vom Kleinkind, da geht es auch um diese Erkenntnis, weil kleine Kinder haben noch nicht so ein großes Maß an Wissen, woraus sie schöpfen können. Aber erwachsene Leute wissen sehr viel. Und dieses Wissen wird dann in deinem Glauben immer dir ein Verhängnis. Weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich weiß aber, dass wenn das und das passiert, ich krank werde, dann wird es dir schwerer fallen, einfach Christus zu glauben, dass du aber gesund bist durch seine Wunden. Aber wenn du als ein Kind einfach nichts weißt, weil es keine natürlichen Schlussfolgerungen von Dingen kennt, dann wird es dir einfacher fallen, einfach das zu glauben, was Jesus sagt und nicht mit deiner eigenen Weisheit zu versuchen, Jesus Christus aber vom Gegenteil zu überzeugen, weil du eigentlich weißt, was passiert, wenn das und das ist. Little children, nicht little children with warum, Mama, warum, Papa. Das ist nur mal little children. Und auch der Punkt, dass kleine Kinder halt auch nicht Widerworte geben, weil die dann, also es gibt ein Alter, wo Kinder auch keine Widerworte geben können, weil die gar nicht, also die sind in ihrem Kopf noch nicht, die können nichts hinterfragen, weil die zunächst eine Frage haben, also können gar nichts hinterfragen. Und da like a baby, just a baby, that you know, just anywhere you want to go, he's just there. He will not question you, will not, you know, just without you, he cannot even leave. Kann ich mal kurz weitermachen? Oh. Also, okay, so, jedenfalls, maman nous a dit que on doit comprendre que dans ce verset, quand il parle de petits enfants, il ne parle pas dans les enfants charnels ici. Il ne dit pas que ce sont nos, on doit être, disons, eux à être notre exemplaire. Il ne parle pas de la chair. Il parle seulement de leur attitude. On doit le prendre en esprit. Donc, il s'agit des enfants parce que on doit faire attention parce que la religion a fait de ça comme pour dire que oui, les enfants sont si bien, mais les enfants sont vraiment trop dangereux. Quand tu parles des enfants, il y a aussi les enfants où leur esprit est vraiment aussi dangereux, ils ne sont pas de Dieu. Et ils peuvent aussi même te prévenir à venir vers Jésus-Christ. Où il y a beaucoup des enfants qui ont causé beaucoup de problèmes. Quand il parle ici des enfants, il parle seulement de l'esprit, non? D'être capable à ne pas se demander beaucoup de questions pour te demander, oui, papa, tu as dit que je suis guéri, mais comment on va faire ça? Parce que quand tu as un petit enfant ici, par exemple, tu vois, quand tu dis, on va partir à l'église, un petit enfant, je ne dis pas un jeune enfant, un petit enfant ne va pas te demander, on part à l'église ou comment on va faire quoi là-bas, poser beaucoup de questions. Ça, ce n'est pas un petit enfant. C'est un petit enfant, c'est un enfant qui est seulement capable à être focalisé à toi. Il te voit et il te suit partout sans te demander pourquoi, comment ou quelle que soit autre question aussi. Il ne va rien demander. Et c'est comme ça aussi que maman dit que, c'est que Jésus dit ici aussi que on doit être spirituellement comme ça, on doit être, nos pensées doivent être aussi renouvelées, lavées de nouveau pour seulement voir Jésus-Christ et lui faire confiance et de l'obéir n'importe ce qu'il va nous dire pour ne pas partir à gauche et droite. Parce que dès qu'on est capable spirituellement à se demander, mais oui Dieu, pourquoi ça doit être comme ça, là tu dois comprendre que tu n'es pas un enfant maintenant en esprit. Tu es mature, tu veux faire toi-même. Okay. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, children can easily be polluted and even adults. Ja, Kinder können sehr schnell verunreinigt werden und dann auf einmal werden sie sehr erwachsen. Ne? No, they have no truth, very well. Sie können auf geistliche Weise verunreinigt werden, indem man sie initiiert und sie auf einmal satanische Kräfte bekommen. Yes. Und sie Zerstörung bringen, aber sie können auch auf physische Weise verunreinigt werden, indem sie anfangen zu klauen, ne, zu lügen und all diese Sachen zu machen. On doit faire attention parce que les enfants sont pas si innocents comme le monde veut nous faire voir qu'ils sont innocents, mais ils sont pas innocents parce que ils sont c'est plus facile à abîmer un enfant spirituel et aussi physique. Tu peux voir que un enfant que tu laisses dans une crèche qui n'est pas une bonne crèche et apprend à cet enfant à voler ou bien à mentir, par exemple. Ou bien même, on peut même donner à la personne, l'enfant, une sorcellerie sans le savoir. Tu vas jamais suspecter cet enfant dans un foyer comme ça. It's not even, it's more than lying, stealing. It is the spirit, polluted spirit, that, you know, that can destroy things that people will not even suspect. You know, if people are calling people witch today, they don't even suspect little children. They don't suspect little children. But little children are more deadly. Once they are witches and wizards than even adults. Because for them, no, no, They don't even know anything about mercy of this world. You understand me? They don't know this is my mother, this is my father. And you know, the places your children go to, if Satan wants to stop you from Christ, he can, through your children, stop you from Christ. Because he knows that if he comes to you, you are, then he go through those little children, poison them. And then they are now in charge of controlling you. If you are able to be in the presence of the Lord or not, they take control. Und ja, die Sache ist auch einfach, dass Kinder sind halt wie Schwämme und die können entweder das Gute von Christus komplett aufsaugen und ausstrahlen oder die können auch das Böse vom Satan aufsaugen und ausstrahlen. Und sie strahlen das dann aus ohne Gnade und Barmherzigkeit, weil die dann halt einfach so voll sind von diesem Geist und gar keinen Raum haben für Mitleid oder für Gnade, weil die so kontrolliert werden davon. Das sieht man ja auch bei Kindersoldaten beispielsweise, die gnadenlos Leute einfach abschlachten, weil die einfach so Gehirn gewaschen sind und gar kein Gewissen haben, wie erwachsene Menschen, die jemanden sehen und sagen, oh, ich tue es nicht wegen dem und dem Grund. Und deswegen muss man auch aufpassen, wo wir unsere Kinder halt hinschicken. Ne? Das, weil der Teufel kann auch durch unsere Kinder uns vom Königreich Gottes abhalten und dafür sorgen, dass wir dann auf einmal Christus immer mehr, uns immer mehr und mehr von Christus entfernen. Deswegen müssen wir echt dafür beten, dass unsere Kinder auch nur da sind, wo der Herr sie haben möchte. Mm-hmm. On doit aussi comprendre que les enfants sont comme des éponges quelquefois. Ils sont vraiment capables à tout absorber comme... par exemple d'une bonne manière et aussi comme d'une mauvaise manière, parce que si tu dans une bonne manière, c'est comme nos enfants ici, tu leur donnes Jésus-Christ, ils sont capables à utiliser ça dans leur vie quotidienne et aussi ça va nous faire aussi du bien. Mais dans un mauvais sens, c'est par exemple on peut voir aussi les enfants, les kadogo, comment on les appelle, les enfants soldats là, eux par exemple, ils sont aussi ils ont absorbé le mal, c'est l'esprit qui est derrière ça. On les a donné le mal, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de miséricorde. Et les petits-enfants, ils peuvent l'utiliser parce qu'ils n'ont pas de conscience, ce sont des petits-enfants. Et un petit comme ça, quand tu le manipules, il est capable à tout faire. Mais un adulte, il a une conscience parce qu'il a déjà aussi appris ça. Et c'est pour cela, c'est aussi très important de savoir où est-ce que tu es en train d'envoyer tes enfants, où est-ce que tu l'envoies. Parce que tu peux envoyer, c'est pour ça que c'est important de prier que l'Éternel, n'importe où ma fille ou bien mon fils sera aujourd'hui, ça sera seulement là où toi tu veux, parce que si tu ne pries pas cette prière, le diable est rusé, il est capable aussi à prendre cet enfant où il est et aussi utiliser cet enfant contre toi, même si tu ne le sais pas. Praise the Lord. Hallelujah. I just pray that and I hope that what happened to a couple here was not based on that, what we just explained. Amen? Mm-hmm. That through their children, they have been, you know, they have been bewitched through their children to leave Christ. Und deswegen hoffe ich, dass das, was ich eben erklärt habe, nicht den Leuten hier passiert sind, die hier schon gegangen sind. Ja, weil das auch alles Leute sind, die Kinder haben, dass die Leute nicht durch ihre Kinder verhext worden sind oder verzaubert worden sind und deswegen dann das Königreich Gottes verlassen haben, Jesus Christus verlassen haben. Dass wir einfach dafür beten, hoffen, dass das nicht der Fall ist bei diesen Leuten. Et c'est pour cela je prie aussi et je prie aussi pour les personnes qui sont aussi déjà parties d'ici, qu'ils ne soient pas, comment on appelle, manipulés. Envoûtés. Oui, manipulés et envoûtés de leurs enfants pour aussi quitter l'église. Hein? On ne sait jamais, mais on prie que ce n'est pas le cas. You know, I always say things before time. Ich sage Dinge immer, bevor sie eintreffen. Moi, je dis toujours les histoires avant qu'ils puissent être faits. When they were here, and they gave birth, everything, I could see everything, their relationship with Christ. And later, when they now settled with their parents, their parents that have been prayed to that want to divide them. And I heard about, they told me that they are now, I said, please, let it be based on Christ. If not, it is a matter of time. Go and write it down. It's a matter of time. You are going to be out of Christ. You will not believe the truth any longer. And that was really what happened. They will go to, there's no place Satan cannot go to. Und to take you. Ich habe dieses Ehepaar halt immer gewarnt und auch beobachtet, weil ich habe gesehen, dass als sie die Kinder bekommen haben, dass sie da noch in Christus waren, alles war in Ordnung, aber dann haben sie halt angefangen, sich von ihrer weltlichen Familie einholen zu lassen, und einer der hauptsächlichen Gründe war auch die Kinder, weil die Kinder sie sehr stark mit ihren Eltern verbunden haben, weil die Eltern auch immer sehr viel mit den Kindern zu tun haben wollten. Und dass sie auch die Kinder auch oft bei den Enkel... dass sie die Kinder auch sehr oft bei den Schwiegereltern gelassen haben. Ne? Und der Teufel kennt kein Erbarmen. Er kann durch alles arbeiten und wirken. Und ich habe den Leuten immer gesagt, passt auf bei eurer weltlichen Familie, vertraut diesen Leuten nicht, gibt ihnen Christus, aber vertraut ihnen nicht. Weil die werden sonst kommen, um zu stehlen, töten und zerstören, weil sie die Werke ihres Vaters tun werden und auch in eurem Leben. Und leider ist es jetzt, sehen wir jetzt, was die Quittung davon ist. Par exemple, il y a, on m'a même rappelé que avant qu'ils puissent avoir des enfants, il y a, quand ils ont eu un enfant, je les ai dit de faire attention, parce que j'avais vu que l'allure qu'ils ont commencé à prendre dès qu'ils avaient eu cet enfant, ils étaient trop sentimentales, ils voulaient toujours être avec les grands-parents, des histoires comme ça. Je les ai dit, il faut faire attention, il ne faut pas laisser que les sentiments de ce monde puissent vous prendre à travers les petits-enfants. Donc, restez en esprit, soyez fort en esprit, sinon ça va vous distraire, ça va vous emmener de vous séparer de Jésus, écarté de Jésus-Christ. Vous devez d'abord être fort en esprit et le reste va continuer après. Mais eux, ils n'ont pas, par exemple, pas écouté. Ils ont commencé à avoir le sentiment de ce monde et toujours à s'unir avec la famille mondaine, que le lien de la famille mondaine peut être encore plus fort à travers les petits-enfants. Et maintenant, on les voit qu'ils ne sont plus vraiment en esprit. Ils ne prient plus en esprit et ils sont plus... Et ils ne sont même plus aussi parmi nous parce qu'ils ont laissé la chair vaincre, par exemple. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And for you to know that it's not talking about little children of this world. What people call little children. Verse 4 will help you to know that. Mm-hmm. He said, whosoever, therefore, shall humble himself as this little child. You see that? Mm-hmm. You humble yourself like this little child. The same is greatest in the kingdom of heaven. Verset 4. Wenn nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der größte im Reich der Himmel. Es geht um Kinder, die sich erniedrigen, demütigen können. Mm. Ici, il s'agit des enfants qui peuvent s'humilier et de s'humilier, être petit. And those children are dangerous here on earth. Und diese Kinder Gottes sind gefährlich auf Erden. Vers 5. Et les enfants de verset 5 sont les plus dangereux ici sur terre. He said, whoso shall receive such little child in my name, receive me. Amen. And you see it. Mm. But whoso shall faint one of these little ones, which believe in me, it will be better for him that a milestone will hang about his neck. And that he were thrown into the depth of the sea. Please stop offending one another. Hört bitte auf, fighting one another. Euch gegenseitig zu provozieren. Amen. There should be no malice in the kingdom of heaven. Amen. Between brothers and sisters, sisters and sisters. We are one family. Amen. We better be used to one another. Wir sind eine Familie, wir sollten uns aneinander gewöhnen. Ici, ça nous fait voir, il nous dit ici, verset 5, de faire vraiment attention parce que ces petits-enfants, la personne qui va les offenser est en train aussi d'offenser Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour ça que c'est important qu'on doit continuer à être bien l'un vers l'autre ici dans cette église. On ne doit pas s'offenser l'un vers l'autre parce que c'est dangereux. Ce n'est pas vraiment bien. If you read verse 7, we'll see how dangerous it is. Woe unto the world because of offenses. For it must need be that offenses come, but woe to that man by whom that offense cometh. So provoking one another, offending one another, fighting one another, should be, you start to hate it. Hate it, please. Hasst du das? You are fighting Christ. Denn wir bekämpfen damit Christus. You are one family. You know, the natural blood. They will say the natural blood, blood is thicker than water. How much more Christ's blood? Sie sagen, Blut ist dicker als Wasser. Wie viel mehr, wie viel dicker ist das Blut von Jesus Christus? On doit voir que le sang de Jésus Christ est plus fort que le sang de ce monde. Et on doit vraiment être conscient de notre sang et de ne pas se provoquer l'un vers l'autre. Praise the Lord. They said that to know that the natural blood is thicker than water. How much more Christ's blood? This Christ's blood made us one family. Das Blut von Christus macht uns zu einer Familie. Parce que le sang de Jésus Christ nous a fait une famille. It is forbidden. Es ist verboten. Because we are fighting Christ. Weil wir damit Christus bekämpfen. C'est interdit de qu'on puisse se avoir des disputes l'un vers l'autre parce qu'on est en train de combattre Jésus Christ lui-même. Whatever you do, you say whatever you do for one little child, even a cup of water for this little child in my name. Can you see? Say you are doing it for me. Was immer wir für diese Kinder machen, für diese Kinder Gottes machen, selbst ein Glas Wasser ihnen reichen, das tut ihr für Jesus. Tout ce qu'on fait pour cet un petit enfant, même s'il s'agit seulement de donner un verre d'eau, on le fait pour Jésus Christ. It's like cleaning this the house here, the ministry. You know, if you know that you are working for Christ, you will even be fighting to clean it. But if you know that you are just doing it because it's your turn. I don't know if you are getting it. If you know it's for Christ, but you don't believe it's for Christ. No matter whatever you do for God's children in his house, for whatever you do for, you know, to do, be there for his house. The cleaning and everything. There is none. He said, 100-fold return. It's not a man that should lie. You don't work for man, you work for him. Amen. Und deswegen, wir arbeiten nicht für Menschen, sondern für ihn. Deswegen, wenn wir halt sauber machen oder helfen, nur weil wir helfen müssen oder weil ich in dieser Woche dran bin und ich muss es machen, dann ist das sozusagen, Entschuldigung, ist das sozusagen vergeblich und nicht in Christus getan, nicht aus Liebe getan. Wenn wir wirklich wissen würden, für wen wir das machen, würden wir es auch aus Liebe tun, nicht nur, weil wir jetzt dran sind oder weil sonst man wieder als Faulenzer oder sowas abgestempelt wird. Tout comme si on fait, on est en train d'arranger même la maison de Dieu ou bien d'arranger la maison de Dieu, même on le fait, on doit le faire par cœur, parce que si on sait qu'on le fait pour Jésus-Christ, on va commencer même tout le monde va vouloir le faire pour comment on appelle, qui tout le monde voudra le faire par plaisir, parce que si tu le fais, tu es en train d'arranger la maison de Dieu, mais dans ta tête tu te dis bon, je le fais seulement parce que c'est mon tour aujourd'hui, malgré j'ai pas envie. Là tu n'es pas conscient que tu es en train de travailler pour Dieu, mais quand tu es vraiment conscient et tu sais que tu es en train de faire ça pour Dieu, tu voudras même le faire chaque jour parce que tu le fais pour Dieu. Et c'est ça qu'on doit on doit savoir que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour Jésus Christ. Amen. You know, I was saying to some people yesterday, you know, my mother, you know, though they are so religious, you understand me? But, you know, she will wake up sometimes 2 o'clock, 3 o'clock. Where are you going? She will say, I'm going to church. I'm going to clean the church. They are going to start 8 o'clock. I said, at this time you are going. He said, yes, if I told her, because it's so far, she's going to trek. She will say, then we will be a young. I don't have money to take a taxi or anything, but I will trek. The distance, if you hear it, you will shout. But she doesn't care because she's believed that she's working for Jesus. Mm-hmm. How much more, you know, people don't even see it. Mm-hmm. You know, I have to be drawing you. Mm-hmm. You know, he said the greatest among you to be the servant. Mm-hmm. If you can understand that, you will be fighting to do it. Mm-hmm. In Nigeria, if anything concerning church, they fight to be there. They fight to do it. For them, it's solid because they know what it is. They know that it is not just anything natural. They know that when it is Christ, have a lot to do. So it's not, you are the only one doing it. No. You cannot take all the blessing. They'll just tell you that. No, you cannot be taking all the blessing because they believe that there's a blessing following everything. Amen. But here, because you cannot see salary. Praise the Lord. Hallelujah. Und auch beispielsweise auch in Nigeria, da haben die Leute eine ganz andere auch Mentalität, was in der Gemeinde helfen angeht. Für die ist das ein Segen damit verbunden, für die Gemeinde irgendwas zu tun, ob es Geld geben ist, sauber machen oder sonst irgendwas machen, irgendeinen Dienst geben. Aber hier ist das leider in der westlichen Welt, wird das nicht so gesehen. Es ist eher eine Last oder eine Verpflichtung. Und es liegt auch oft daran, weil vielleicht kein Gehalt daran geknüpft ist, weil es nicht heißt, okay, wenn du die Gemeinde sauber machst, kriegst du, keine Ahnung, wöchentlich dein Geld dafür. Und deswegen nimmt man das da nicht ernst, weil man den geistlichen Aspekt davon nicht sieht. Man sieht den geistlichen Aspekt davon nicht und deswegen ist einem das egal oder ist man sogar dankbar, wenn jemand das für einen übernimmt. Aber im Königreich sollten wir eigentlich fast schon uns darum prügeln sozusagen, wer die Toilette sauber machen darf oder wer die Gemeinde fegen darf, ne, oder wer für einen anderen da sein darf, ne, weil es halt Jesus Christus ist. Und da muss sich wirklich jeder an die Nase fassen und darüber nachdenken. Elle a donné l'exemple de sa mère, par exemple. Elle disait que sa mère, avant, malgré elle était religieuse, quand il s'agissait que oui, elle a un service, elle doit, c'est son tour à arranger l'église, elle se réveillait à 3h du matin, malgré l'église commençait à 8h. Mais vu que c'était, le trajet était si loin, elle se réveillait et elle partait même à pied, elle marchait même à pied. Pourquoi? Parce qu'elle croyait, malgré elle était religieuse. Mais aujourd'hui, si nous, les enfants de Dieu, on est en train de comparer le travail de Dieu avec notre travail naturel, on se dit, ah, encore aujourd'hui, c'est encore moins, on va faire comment? Et on est en train de se plaindre parce qu'elle dit que même en Nigeria, quand il s'agit de la maison de Dieu, qui va arranger la toilette, qui va arranger ça, ceci, cela, tout le monde est en train de se disputer, tout le monde veut le faire. Mais ici, c'est le contraire, personne ne veut le faire ici. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let us be serious with Christ. Lass uns Christus ernst nehmen. On doit vraiment être sérieux avec Jésus Christ. Let us take him as number one. Il est numéro un. On doit le prendre avec comme notre numéro un. Let us value him. Wertschätzen. On va lui donner le du valeur. He said you will sell everything to have it. Alles verkaufen. Go to Matthew 13. Du wirst alles verkaufen, ihn zu suchen. Matthieu 13 nous dit qu'on va tout vendre pour avoir seulement sa perle. You know when my mother was doing it then. When I'm concerned, I could not even understand that. Because sometimes the rain is raining. The thunder in Nigeria is like thunder in hell. You don't make it happen everywhere. I say, hey, she will just enter. I say, hey, you want to enter inside this? You say, yes, well, I'm going to work for Jesus. So nothing can stop me, not even the weather. She will go there. Praise the Lord. Yeah. Look at Matthew 13. Let us quickly go through. Yeah, und meine Then we come back to later to Matthew 18. Mutter ist früher immer zur Gemeinde gegangen und auch sehr früh morgens, um vorher sauber zu machen. Das hat sie bei Wind und Wetter gemacht, egal wie es aussah. Wir kennen das Wetter in Nigeria. Das kannst du nicht mit hier vergleichen. Et si, par exemple, ma mère, par exemple, elle, malgré il y avait des éclats, ou quand même quand... des éclairs. Malgré il y avait des éclairs, par exemple, ou bien il y avait de la pluie, lui, elle, par exemple, elle partait faire, ça l'intéressait pas parce qu'elle savait qu'elle travaillait pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 13 from verse 44. Matthäus 13, 44. Matthew 13, 44. Before 44, verse 43 said, then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their father. Who had ears to hear, let him hear. He said, who have ears to hear. Ohren, who are hearing, hear with the ears of Christ. Höre mit den Ohren von Christus. It's your spiritual ears. Mit deinen geistlichen Alors Ohren. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est lui qui a les oreilles qui entendent. He said again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field. The which when a man have found, he hid it. Oh, daddy. You find your salvation in Christ, you hide it. Du hast deine your relationship with him, you hide gefunden und du versteckst ihn. Quand tu as trouvé un trésor, tu dois prendre soin de ça, tu dois le garder pour toi, garder jalousement. Même ton salut, ton Jésus-Christ, garde-lui jalousement. You're being dead for Christ, you hide it. Because when you tell people, they'll say, are you in there? Are you getting it? I was blessing a ministry years ago, every month I was it 300 or 400 every month. For years we did it. And somebody that was came to visit us, nothing was working for her. And since we are working for me, according to the law system. Mm-hmm. And I said, what are you listening to? She was even listening to the same thing I'm listening to. But she was not acting on it. Mm-hmm. And I was in action. Mm-hmm. And nothing was working for her. Then I said, are you even part of the ministry? She said, how part? I said, are you blessing the ministry? Are you being there for Christ? He said, that one, I cannot give money to anything. I said, where your heart is, mm-hmm. where your treasure is, where your money is, your heart will be there. Mm-hmm. If your money is in the kingdom of heaven, your heart will surely be there. Amen. You will belong to that very place. You are not part of. You are not part. Mm. I said, you know, I said, every month, this is the money we send every. He said, are you only there? That was what she asked. Are you only there? I said, look at you now. You are not only there. Mm. I said, the blood of Jesus, there's no money that can buy it. Amen. Mm. Amen. If I cannot trust them with my money, I cannot even trust him with my life. Amen. You understand me? Mm. The message is the message of life. Mm. You understand? So, praise the Lord. Hallelujah. You hide it from there. Amen. If not, they will take you out. Mm. They will take you out. Und wir müssen diese Errettung schätzen. Und deswegen gehen wir auch in das Königreich Gottes. Und vielleicht sieht es für ein paar Leute so aus, als ob wir der Gemeinde Geld schulden oder irgendjemand Leuten Geld schulden und deswegen so viel geben. Aber die werden das auch nicht verstehen. Aber dort, wo dein Herz ist, dort, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Und wenn du Leuten sozusagen vertraust, wenn du dem Herrn vertraust mit deinem Leben, wie viel mehr solltest du ihm mit deinem Geld auch vertrauen? Et bah, par exemple, il y avait une fois que j'avais une femme qui regardait, qui suivait aussi le même pasteur que moi. Et moi, je donnais à la madame, je donnais à l'église, à cette église-là, je donnais 300 ou 400 euros par mois. Et quand moi, j'ai dit à cette dame que je donne beaucoup de l'argent, et la dame me disait, mais est-ce que tu les dois? Hein, est-ce que tu as une dette dans cette église-là? Pourquoi tu donnes beaucoup d'argent comme ça? Et maman qui lui a dit que, mais si, tu ne peux même pas faire Dieu confiance avec de l'argent. Comment tu veux lui faire confiance avec ta vie? Donc, la Bible dit aussi que là où ton cœur est, là où ça sera aussi ton trésor. Et le sang de Jésus-Christ... Il n'y a aucun montant dans ce monde qui peut l'acheter pour vous dire que quand vous faisiez quelque chose pour l'église ou bien vous donnez à l'église ou bien vous faisiez un service à l'église, il faut le garder jalousement parce que les gens de ce monde vont vouloir vous le détruire en vous. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I give him my life but not my money. Ich gebe Jesus mein Leben, your aber life mein and Geld. Your money, which is greater. Aber was ist größer, ein Leben oder ein Geld? C'est comme si tu dis que je donne à Dieu ma vie, mais je ne lui donne pas mon argent. Mais ta vie est ton argent. Qu'est-ce qui est plus grand? Praise the Lord. Hallelujah. He hid it. And for joy thereof, go ahead and sell it. For joy. He was not sad to go and sell things. Aus Freude hat er es gemacht. I don't know if you are getting something. Er hat dich mit Tränen Sachen verkauft. Amen. If somebody want to give out his assets with tears. Hey. Er hat dich mit Schweiß und Tränen And this money they want to take it from me. Amen. Und darüber, dass man ihn beklauen will, bestehen will. Ici, on voit que la personne ici voulait, il a donné avec la joie, avec toute une, il avait la joie quand il donnait. Mais aujourd'hui, les gens vont donner à l'église, vont dire, ces gens ici veulent toujours prendre mon argent. Mais ce type ici, il a tout vendu pour garder cette perle qu'il avait. Allow your being there for Christ to be for joy. Avec joie. Mm-hmm. Allow your being there for Christ to be for joy. Lass du das für Christus da zu sein, aus Freude passiert bei dir. Tu dois vraiment vouloir que quand tu fais quelque chose pour l'église, ça doit se passer avec joie parce que c'est un privilège. C'est un privilège pour lui d'être là, amen. C'est un privilège pour être là pour Jésus Christ. He said, and for joy thereof, go out and sell it all that he had and buy that field. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. No one can talk me out. Freude, I have to hide it from Satan. I have to hide it from strangers. Amen. Und niemand kann mir das ausreden. Christ hält das. Ich werde diese Errettung vor dem Satan verbergen, vor Leuten, die Jesus hassen, und verbergen. Vor meinem Fleisch werde ich es verbergen. On doit vraiment être déterminé avec notre salut. On doit vraiment le garder jalousement. On doit le garder devant les gens qui n'aiment pas Jésus-Christ, même devant notre chair qui ne veut pas suivre Jésus-Christ. On doit vraiment être, c'est quelque chose de très précieux. Verse 44 and 46. Verset again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pears, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you saying something here? Amen. Value your salvation. Schätze deine Rettung. Value your relationship with Christ. Schätze deine Beziehung. Ta relation avec l'Éternel et ton salut, tu dois vraiment le voir comme précieux. Tu dois lui donner beaucoup de valeur. Don't allow anybody to take it away from Lass you. Nicht zu, dass sie das wife, husband, or whoever. Tu Amen. Vas pas laisser que Don't allow it. Mother, parents, children. Ehemann, Ehefrau, Kinder, Eltern, Geschwister, lass nicht zu, dass dir irgendjemand diese Beziehung wegnimmt oder Person schlecht redet. Doit doit détruire cette relation que tu as avec l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Now we were so close, please, because of today's meeting. Amen. Yeah. You know, here Jesus is talking about you live in the Spirit and you walk in the Spirit. Jesus spricht That's darüber, im Geist about. Zu leben und im Geist zu wandeln. Ici, Jésus-Christ parle de vivre en esprit et d'être en esprit et de y vivre. And that is his definition of being born again. Und das ist seine Definition von Wiedergeburt. Et ça, c'est ça, c'est ça, sa définition d'être né de nouveau. Amen. C'est pas juste prier la prière et vivre comme And take your decision on your without Christ. Und dann Entscheidungen für dich selbst treffen. Ou bien prendre des décisions toi-même sans Jésus. And when your decision is not pursuing you, and Satan is fighting you, you are looking for somebody to save you. Und wenn dann deine Entscheidungen wieder auf dich zurückfallen und dich zerstören und suchen, aufsuchen, dann suchst du wieder nach Christus, damit er dich da rausholt. Et quand tes décisions te piègent ou bien te fait quelque chose de mal et là tu commences à chercher Dieu. Romans 8:14 is talking about the same thing. Look at it. Romains 8:14 parle de la même chose. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Romans 8:14. Romains 8:14. He said, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Are you getting it? It's not just praying the prayer, but you have been led by the Spirit. Du hast gebeten, sondern geleitet dann vom Heiligen Geist. Ça nous dit car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. So that should answer the question of those that are asking, are they born again? I do allow the Spirit of Christ to lead. Die Frage ist, lässt du zu, dass der Geist dich leitet? Ist der ein Fokus auf Christus oder dir selbst? Et ça, c'est la réponse qu'on va donner aux gens qui nous demandent, mais qu'est-ce que tu penses que moi je suis plus dans pas dans l'esprit? La réponse est que est-ce que tu te laisses guider par l'Esprit de l'Éternel? Si c'est aussi, tu dis oui, c'est là tu es un enfant de Dieu. Si c'est pas le cas, donc tu n'es pas un enfant, un fils de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. We will continue from here on Wednesday. We still have a lot to go. Amen. Amen. Am Mittwoch geht es weiter. On va continuer le mercredi.